إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui maintenant dans la dixième partie de l'explication de cette risala, risalatun fi, yani fi tawhid al-ibadah. C'est une risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Mohammed Bazmoul, yani qui est un docteur qui enseigne à l'université de Umm al-Qura à Mecca. Et donc c'est une petite risala, comme on a commencé depuis le début, qui explique l'importance du tawhid. Et l'importance du tawhid, l'ibadah en particulier. Et yani, juste avant de rentrer dans le sujet, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il enseignait aux sahaba les exemples de la guidance et les exemples du droit chemin. Et il leur clarifiait la vérité. Mais en même temps, il leur expliquait et il leur clarifiait également les dangers de l'égarement et les dangers de la déviation et les dangers du shirk et du kufr et des innovations dans la religion. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a un exemple très important qui a été donné par un des sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sahabi Hudhayfa ibn al-Yaman. رضي الله عنه الذي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. Et ça veut dire que Hudhayfa, il dit que les gens avaient l'habitude de demander au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم au sujet du bien, et moi j'avais l'habitude de demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du mal, par crainte, hein, que ce mal, je tombe dedans, ou bien que ce mal, yani, m'atteigne. Et donc, c'est pour cette raison-là que les ulama ont expliqué que c'est très important, non seulement, yani, d'expliquer aux gens le tawhid et l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de leur expliquer l'obligation de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est également important et obligatoire en même temps de les mettre en garde contre le shirk et leur expliquer la réalité du shirk et de les mettre en garde contre l'innovation et les bid'ah, hein, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut pas juste se limiter à connaître le bien et négliger par exemple le fait de connaître le mal. Négliger le fait de connaître le mal, parce que si quelqu'un connaît le bien mais il ignore le danger et les pièges qui sont dans le mal, il risque de tomber facilement dedans et de se faire dévier facilement. Et donc ça, c'est l'exemple qu'on a trouvé dans cette parole de Hudhayfa, qui est remplie de sagesse également. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلِتَسْتَبِينُ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, hein, c'est pour que la voie des criminels également soit clarifiée et expliquée, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas limité uniquement à nous expliquer le bien et à nous montrer la voie du droit chemin, mais il nous a également montré les voies des kuffar et des mushrikin. Il nous a parlé de Pharaon, il nous a parlé de Iblis, il nous a parlé des munafiqin, il nous a parlé des juifs et des chrétiens, et il nous a montré quelle était leur croyance, quelle était leur forme de shirk, quelle était leur shubuhat, et il nous a montré également la réponse à ces shubuhat, la réponse à ces formes d'égarement, la réponse à ces déviations. Et donc, c'est très important de baser notre enseignement et notre éducation sur non seulement d'enseigner aux gens le bien, mais en même temps de leur enseigner les dangers qui existent dans le mal pour faire en sorte que les gens puissent éviter de tomber dedans. Puisque beaucoup de gens, malheureusement, se sont fait avoir par le shaitan et par différentes ruses de cette manière. Et donc, le shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit « وقول المصنف رحمه الله وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن فعله وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس مع أن صاحبه يريد به التقرب به من الله سبحانه وتعالى » انتهى كلامه. Donc on a su dans les cours précédents que le shirk, de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné clairement dans le Coran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne toute autre chose en dehors de cela à qui il veut. Hein? Donc c'est le plus grand de tous les péchés, et c'est plus grave que az-zina, et c'est plus grave que le meurtre, et c'est plus grave que tout autre crime que quelqu'un peut commettre. Malgré que la personne qui commet le shirk, quand elle le fait, elle ne s'imagine pas être en train de faire quelque chose de mal, et elle ne pense pas qu'elle est en train de faire un péché même. Elle s'imagine qu'en commettant le shirk, elle est en train de faire quelque chose de bien, et elle pense qu'elle est en train de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le danger, encore, c'est ça qui montre encore plus le danger du shirk. Et on peut également introduire là-dedans également la bid'a, le danger de la bid'a, de l'innovation dans la religion. Un des imams parmi les imams des salaf, Ayyub al-Sakhtiyani, il disait « Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah » La bid'a, elle est plus aimée par le shaitan que le péché. La bid'a, elle est plus aimée par Iblis que le péché. Pourquoi? Il a dit لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا أَمَّا الْبِدْعَةَ فَلَا يُتَابُ مِنْهَا. Pourquoi? Parce que l'innovation, on ne s'en repent pas. On ne peut pas s'en repentir. Tandis que le péché, on peut s'en repentir. Pourquoi? Parce que la personne qui commet un péché, supposons quelqu'un qui boit de l'alcool ou qui fait d'autres choses haram, il sait que ce qu'il fait, c'est haram. Il est conscient de ça. Il a peut-être même honte de ce qu'il fait. Il a du remords dans son cœur lorsqu'il a terminé de le faire. Et peut-être que quand il a terminé de le faire, il fait le wudu, il va faire sa prière, puis il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait ça. Tandis que la bid'a, quelqu'un qui la commet, eh bien, elle s'imagine que ce qu'elle fait, ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'imagine qu'en le faisant, on devient meilleur dans sa foi, et on se rapproche de notre Créateur. Donc, est-ce que quelqu'un peut se repentir de quelque chose alors qu'il s'imagine que cette chose-là le rend meilleur et le rapproche encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est très difficile pour que quelqu'un se repente d'une innovation ou d'une bid'a. Et c'est pour ça que la bid'a, elle est très très dangereuse, beaucoup plus dangereuse qu'un simple péché. Hein? Et donc, il y a plein d'exemples, parmi les exemples des paroles, dans les paroles des salafs, qui nous expliquent des exemples de ça. Et qui nous montre que, il y en a parmi eux, certains d'entre eux, mettait plus en garde contre les innovateurs qu'il mettait en garde contre yani, les gens qui commettaient des péchés. Et il trouvait ou il considérait que le fait de mettre en garde contre un innovateur, c'était plus important que de mettre en garde contre un simple pécheur. Et par exemple, on a l'exemple de Younus ibn Ubayd, un des imams parmi les imams des salafs. Yani, les gens sont venus le voir et lui ont dit, on a vu ton fils sortir de la maison d'un d'entre les mubtadi'a parmi les qadariyya, ceux qui nient al-qadar. Alors, quand il a vu son fils, il lui a dit, j'ai entendu que tu étais allé visiter un tel parmi les innovateurs. Et son fils a dit, oui, j'avais quelque chose à faire à cet endroit-là. Il a dit, Younus ibn Ubayd a dit à son fils, je préférerais te voir sortir de la maison d'un homosexuel que de te voir sortir de la maison d'un innovateur, parce que celui-là, hein, si tu le rencontres avec ce péché-là, si tu le rencontres avec un péché, tu rencontres Allah au jour de la résurrection avec un péché, c'est moins grave que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec les idées de celui que tu es allé visiter parmi les innovateurs. Puisque lui, il peut te faire tomber dans le coffre et te faire nier la prédestination, et puis tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala à la fin, hein, parmi les égarés. Et donc il a dit, si quelqu'un est sur la sunna, et ça c'est l'imam al-Barbahari qui dit, hein, un des proches des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, si tu vois un individu qui est dans le péché ou qui commet des péchés, mais qui est sur la sunna, alors reste avec lui, parce qu'il est mieux que celui qui est sur la pratique religieuse et qui est très très fort dans sa pratique religieuse, mais qui est dans l'innovation. Et il y a l'exemple également de la parole de l'imam al-Shafi'i, hafizahullah wa rahimahullah. Il disait que il est préférable pour le serviteur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je préférerais rencontrer Allah avec tous les péchés, excepté le shirk, que de rencontrer Allah avec une d'entre ses passions, c'est-à-dire une d'entre les innovations, parmi les innovations et les paroles des gens de bid'ah. Et juste pour vous montrer, juste en passant, un exemple de la gravité de l'innovation et à quel point elle peut aveugler les gens et les faire tomber dans des graves égarements, l'exemple yani, de qu'est-ce qui est arrivé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est arrivé, hein, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de redistribuer les butins, et il a vu un homme arriver, et cet homme avait une longue barbe, et il avait le crâne rasé, et il avait une marque de prosternation très profonde, hein, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Ô Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Imaginez, un homme qui vient voir le plus juste d'entre les hommes, le meilleur d'entre les prophètes, la meilleure d'entre les créatures d'Allah, hein, sallallahu alayhi wa sallam, et il arrive devant lui et lui dit, sois juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste, hein? Et les sahaba, en entendant ça, ils ont été tellement en colère, ils ont dit, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, laisse-le, hein? Et il a dit, je crains que de cet homme va sortir des gens, hein? Et quand vous allez les voir, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Et vous allez mépriser votre récitation du Coran par rapport à leur récitation du Coran. Hein? C'est-à-dire que quand les sahabas vont voir ces gens-là, ils vont dire, ceux-là, ils prient plus que nous. Les sahabas, qui sont les meilleurs hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire, ceux-là, quand vous allez les voir, vous allez mépriser votre prière. Vous allez dire, notre prière est rien par rapport à leur prière. Et notre jeûne est rien par rapport à leur jeûne. Et notre récitation du Coran n'est rien par rapport à leur récitation du Coran. Puis il a dit par la suite à leur sujet, يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. Ils vont sortir de la religion comme la flèche sort de son arc, et quand elle passe à travers sa proie, elle ne laisse aucune trace dessus. Et il a dit, ils vont réciter le Coran sans que ça dépasse leur gorge. Et effectivement, yani, on a vu apparaître des années par la suite, à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, ceux qu'on appelle les Khawarij. Et ils ont combattu les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont pensés tellement pieux, tellement forts dans la religion, tellement pratiquants de l'islam, qu'ils ont cru qu'ils connaissaient mieux l'islam que les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont imaginés qu'ils avaient une meilleure connaissance de l'islam que les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui a été la source de leur égarement et de leur déviation. Alors, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il est parti pour aller les rencontrer et pour débattre avec eux. Et quand il a commencé le débat avec eux, il leur a dit, pourquoi voulez-vous combattre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je vous vois et aucun d'entre vous ne fait partie des sahaba. Et aucun d'entre vous n'a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez à quel point la déviation de ces gens-là les a amenés à aller jusqu'à même combattre les sahaba. Et ils s'imaginaient qu'en tuant et en égorgeant les sahaba, ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'imaginaient qu'en combattant Ali ibn Abi Talib et les autres compagnons qui étaient avec lui, ils faisaient un djihad fi sabilillah. Imaginez des gens qui pensent faire le djihad fi sabilillah contre les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'ils ont dans leur tête une compréhension complètement inversée de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, le bien est devenu le mal. La sunna est devenue la bid'a. Et la bid'a est devenue la sunna. Donc là, on voit l'exemple des gens qui ont exagéré dans l'adoration et qui sont tombés dans l'extrémisme à cause de ça. Et qui ont dépassé la limite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont dessiné et expliqué yani, à l'humanité. Et en opposition de ça, on a l'exemple d'un sahabi qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, c'était un homme qui faisait des péchés, il buvait de l'alcool et on le ramenait régulièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour établir contre lui la punition, la peine établie par la charia pour la personne qui est trouvée ivre. On lui donnait les coups de fouet, 40 coups de fouet. Et yani, les sahaba le ramenaient à chaque fois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour établir sur lui la peine. Et un jour, lorsqu'ils étaient en train de le ramener et lorsqu'ils appliquaient la punition sur lui, un d'entre eux a dit, La'anahu Allah, ma aktaru yu'ta bihi. Que Allah le maudisse, comme on le ramène à chaque fois. Donc il a invoqué la malédiction d'Allah contre lui. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet? Il a dit, La tal'anhu, fa innahu yuhibbu Allah wa rasoulah. Il a dit, ne le maudis pas, parce qu'il aime Allah et son messager. Et donc, on voit l'exemple d'un pécheur quelqu'un qui commet des péchés, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'on voit l'autre exemple d'un individu qui a une apparence très religieuse, avec la barbe et le crâne rasé, hein, et la marque de prosternation. Et l'exemple des khawarij qui récitent le Coran toute la nuit et qui font des salawat et ainsi de suite et qui combattent les sahaba. Donc on voit que, ici dans ces deux exemples-là, que le péché est beaucoup moins grave que la bid'a. Puisque la bid'a, elle te renverse complètement la tête et elle te fait voir la religion d'une façon complètement incorrecte. Et c'est ça qui arrive avec les gens qui, parfois, sont influencés par une secte ou par un groupe ou par une déviation quelconque ou par une aqida qui est en opposition avec la aqida de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Hein? Et donc, ça, c'est un exemple qu'on donne pour faire comprendre comment parfois l'intention de vouloir faire le bien, c'est pas suffisant pour que quelque chose soit considéré comme étant bien. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'imaginer vouloir se rapprocher d'Allah et vouloir faire quelque chose qui le ramène plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que cette chose-là peut en réalité être la source de son égarement et de sa perdition si il ne s'est pas limité à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut donner l'exemple, comme le cheikh il l'a donné ici, de l'individu hein, qui commet le shirk et qui se rapproche des hommes pieux à leur tombe en leur offrant des actes d'adoration et en se rapprochant de ceux qu'ils considèrent être des awliya et des salihin et d'égorger des animaux à leur tombe, de faire le tawaf autour de leur tombe et de les appeler au secours durant les moments de détresse. Tout ça c'est des exemples de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, la personne qui commet ces actes de shirk, elle pense qu'elle est en train de faire du bien. Et elle pense que Allah est satisfait de ça. Et c'est ça qui montre en réalité le grand danger de qu'est-ce qu'on appelle le shirk. Et donc le shaykh ensuite, il mentionne des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Et il dit, « والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها مقتا لديه ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيس لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Donc le cheikh il dit, le cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, il dit le but hein, et l'objectif de tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est de faire comprendre que du moment qu'on a su que le shirk c'est la plus grande des injustices, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran « Inna shirka la zulmun azim » il n'y a pas d'injustice plus grande que le shirk, et que c'est la plus laide de toutes les choses laides, c'est la plus laide des laideurs, et c'est la plus mauvaise de toutes les choses mauvaises que Allah subhanahu wa ta'ala déteste plus que tout autre, hein, et qu'il yani, a préparé pour ceux qui ont commis ce genre de péché, qu'on appelle le shirk, les plus grands châtiments dans cette dunya comme dans l'au-delà. Il a préparé pour le châtiment du shirk un châtiment qu'il n'a pas promis et qu'il n'a pas préparé pour aucun autre péché en dehors de celui-ci. C'est-à-dire hein, qu'il a promis l'enfer éternel à toute personne qui commet le shirk billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ » Celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui interdit le paradis. Hein? Donc ça c'est le danger et la gravité de ce qu'on appelle le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et yani, le shirk dit donc que c'est le péché que Allah subhanahu wa ta'ala a détesté le plus d'entre tous les péchés. Et il a mentionné, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il ne va pas le pardonner à celui qui meurt en ayant commis ce péché-là. C'est-à-dire si quelqu'un commet le shirk et qu'il meurt sur le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui pardonner. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, mais il pardonne à tout autre péché à qui il veut. Hein? Et il a également informé dans le Coran les hommes que il a informé aux hommes il a dit aux hommes que les gens qui commettent le shirk sont des impuretés. Innamal mushrikun najasun. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les mushrikun sont des impuretés. Hein? Et bien entendu, c'est pas une impureté physique, mais c'est une impureté symbolique ou abstraite, mais que c'est bien entendu la pire de toutes les impuretés, puisque c'est une impureté qui est à la base établie par le pire de tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux gens du shirk d'approcher de son haram, c'est-à-dire de la mosquée al-haram et des lieux saints et sacrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la viande qu'ils égorgent et qu'ils immolent haram pour les hommes, interdit de le manger. Et également leurs épouses, leurs femmes, elles sont haram pour les mu'minines. Il est interdit de les épouser, de les prendre en mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également coupé toute alliance et tout lien entre les mu'minines et eux. Bien entendu, sauf si quelqu'un, par exemple, il est un musulman, un mu'min, et puis qu'il a des parents qui sont des mushrikines, eh bien, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là, de quand même agir avec eux avec un bon comportement, puisque ce sont ses parents. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. C'est-à-dire, si tes deux parents sont des mushrikines, ou bien un d'entre les deux sont des mushrikines, et qu'ils t'ordonnent ou ils te forcent à faire quelque chose qui a rapport avec le shirk, ou bien à faire un péché, alors ne les obéis pas. Mais sois un bon compagnon pour eux dans cette dunya, c'est-à-dire tu dois agir avec eux avec bonté quand même, et les appeler à l'islam, et les appeler au tawhid, et leur expliquer l'importance de cette religion et de ce tawhid, parce qu'il n'y a pas de religion sans le tawhid, il n'y a pas d'islam sans le tawhid. Et ensuite le shaykh il dit وَجَعَلَهُمْ أَعْدَاءَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَلِمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il n'y a pas d'alliance entre les croyants et les mushrikines, et il a mentionné que les mushrikounes sont ses ennemis. C'est-à-dire les mushrikounes sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'ils sont les ennemis de ses anges et de ses messagers et des croyants également. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite pour les gens du tawhid, lorsqu'il y a un djihad fi sabilillah avec les dirigeants musulmans, et que c'est un djihad, un combat qui est officiel et qui est déclaré par le chef d'un état musulman contre un état des koufars et des mouchriquins, que dans ce cas-là, il est permis pour les musulmans de prendre les biens de ceux qui sont en guerre et que les enfants et les femmes seront pris en esclavage par la suite. Allah a rendu ces choses-là permis. Hein? Et donc, ça c'est pour montrer que le shirk, c'est le plus grand des crimes. Et il n'y a pas de crime plus grand que celui-là. Parce que c'est quelque chose qui vient opposer et détruire le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa souveraineté. Et qui vient diminuer Allah subhanahu wa ta'ala dans son droit à être le seul, à être adoré. Et c'est basé sur une mauvaise pensée à propos du Seigneur des mondes, Rabbul Alamin. Toute personne qui commet le shirk, il commet uniquement le shirk parce qu'il a mal pensé à propos de son Créateur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, dans sourate Al-Fath, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va châtier les hypocrites, hommes et femmes, et les mushrikines, hommes et femmes, qui pensent à propos d'Allah des pensées mauvaises. Et c'est sur eux que va se retourner justement ce mal qu'ils pensent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes en colère contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux parce qu'ils ont commis le shirk, parce qu'ils ont mécru en lui, parce qu'ils ont pensé du mal de lui. Et il les a maudits. لَعَنَهُمْ, c'est-à-dire, comme les ulama ont expliqué, la signification de al-la'na, huwa at-tard. At-tard an rahmatillah. C'est-à-dire qu'ils ont été chassés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour eux et a préparé pour eux l'enfer, et quelle mauvaise destination. فلم يجمع على احد من الوعيد والعقوبه ما جمع على اهل الشرك فانهم ظنوا به ظن السوء حتى اشركوا به ولو احسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده ولهذا اخبر سبحانه عن المشركين انهم ما قدروه حق قدره في ثلاثه مواضع من كتابه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réuni pour un péché autant de menaces et autant de châtiments que ce qu'il a réuni pour les gens du shirk, pour les gens qui commettent le shirk, parce qu'ils ont pensé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal. Et s'ils avaient pensé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala du bien, il l'aurait unifié comme il mérite d'être unifié dans son adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans plusieurs versets dans le Coran que les mushrikoun n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste mesure et à son juste mérite. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans trois endroits dans le Coran que les mushrikoun n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il méritait d'être estimé, selon sa grandeur et sa toute puissance et sa perfection. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va faire des cieux et de la terre une seule poignée. Et il va fermer les cieux et la terre dans sa main droite au jour de la résurrection. L'univers tout entier, dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comparable à un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection, il va fermer sa main sur les cieux et sur la terre, il va en faire une seule poignée dans sa main droite. Donc les mushrikoun, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être estimé et d'être respecté. Et le cheikh il dit: وَكَيْفَ يَقْدِرُهُ حَقَ قَدْرِهِ مَنْ جَعَلَ لَهُ عَدْلًا وَنِدًّا يُحِبُّهُ وَيَخَافُهُ وَيَرْجُوهُ وَيَذُلُّ لَهُ وَيَخْدَعُ لَهُ وَيَهْرَبُ مِنْ سَخَطِهِ وَيُؤْثِرُ مَرَضَاتِهِ. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Le cheikh il dit, et comment la personne qui fait le shirk pourrait-il avoir du respect et respecter Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être respecté alors qu'il donne à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et il les aime comme on aime Allah et il les craigne comme on craint Allah et ils mettent leur espoir en eux comme on met notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se soumettent ou s'humilient devant ces créatures comme on doit se soumettre et s'humilier uniquement devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écartent de leur colère comme on doit s'écarter uniquement de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui espèrent ou préfèrent son agrément comme on devrait plutôt préférer l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Hein? Et c'est ce qui arrive de la part des gens qui ont pris des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui les adorent en dehors de lui. Hein? Comme les gens qui adorent des idoles et qui les craignent et qui les aiment, hein? Comme on aime Allah, ou des gens qui ont pris des tombes et des saints et qui se rapprochent de ces choses-là comme on doit se rapprocher uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les craignent, ou bien qui ont pris un cheikh d'une tariqa et qui le craignent comme on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui mettent leur confiance en lui comme on doit uniquement mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a même certains d'entre eux, lorsqu'ils font le zikr, hein, ou soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent zikr, ils mettent la photo de leur cheikh devant eux et ils pensent qu'il faut passer par leur cheikh pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, tout ça c'est des exemples. Et le cheikh il mentionne le verset 165 dans surat al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et parmi les hommes il y en a qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. Ils les aiment comme on aime Allah. Ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? En leur offrant des actes d'obéissance et en leur offrant des actes d'adoration et en se rapprochant d'eux par toutes sortes de différentes pratiques religieuses. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est des exemples de shirk. Hein? Et ça on en retrouve dans différentes turuq soufiya à travers le monde musulman. Et ça à propos de ça, on n'entend jamais personne dire quoi que ce soit. On n'entend jamais personne condamner ces choses-là. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qu'un musulman qui est conscient de la réalité de son islam, de la réalité de la sunna, de la réalité du tawhid, s'il va enseigner aux gens l'islam, il doit mettre les gens en garde contre tout ce qui est dangereux pour eux dans leur pratique religieuse et dans leur croyance islamique, et les mettre en garde contre toutes les formes de déviation et contre toutes les formes de shirk et d'innovation. Et contre les turuq soufiya et les choses qui sont pratiquées dans ces turuq, que ce soit al-Naqshbandiya ou al-Brailwiya ou al-Jistiya ou al-Saharwardiya ou al-Tijaniya ou al-Butchishiya ou n'importe quelle autre tariqa parmi les turuq soufiya, parce que dans ces turuq on retrouve toutes sortes de choses qui sont en opposition avec la sunna et avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être sur la sunna, ça ne veut pas juste dire de pratiquer des aspects de la sunna, comme par exemple une apparence dans les vêtements, ou bien la façon dont on applique par exemple certains actes d'adoration en accord avec la sunna. Ça fait partie de la sunna, mais être sur la sunna, c'est pas seulement ça que ça veut dire. Être sur la sunna, ça veut dire également de s'opposer à tout ce qui est en opposition avec la sunna et de rejeter toutes les sectes et toutes les bid'as qui sont apparues à travers les siècles dans cette umma. Si tu dis je suis sur la sunna mais qu'en même temps tu aimes les innovations et tu aimes les groupes et tu aimes les sectes et tu aimes les déviations et tu suis d'autres que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tu prends ta guidance d'autres que du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tu prends un modèle et un exemple et une référence dans ta religion et dans ta pratique religieuse, et que cette référence est autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, tu n'es pas sur la sunna, même si tu montres des aspects de la sunna. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, parfois on oublie ou on n'a pas compris comme il faut. Et donc ça, c'est très important de faire attention à ces choses-là. Et le cheikh, il mentionne également un autre verset, le verset 1 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa yaj'aluna lahu 'adlan fil 'ibadati wal mahabbati wat ta'zim wa hadhihi hiya at-taswiyatu allati athbathaha المشركون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلا فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال ولا قالوا أن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. Donc le cheikh, il explique, il dit, comme on a dit tout à l'heure, il y a des hommes, il y en a parmi les hommes qui aiment, hein, qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et qui les aiment comme on aime Allah. Ensuite le cheikh, il mentionne le verset 1 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, louange à Allah, hein, louange, toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Puis ceux qui ont mécru donnent des égaux à leur Seigneur. Puis ceux qui ont mécru donnent des égaux à leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils lui donnent des égaux dans l'adoration, dans l'amour, dans l'exaltation, dans la vénération, dans le respect qu'ils ont pour ces créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette égalité entre Allah subhanahu wa ta'ala et les choses que les mouchriquins adorent, ce n'est pas une égalité dans les attributs ou une égalité dans les actions. C'est uniquement une égalité dans l'amour qu'ils ont pour ces choses. Hein? Comme le cheikh explique. هذه التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم. Et lorsque ces mouchriquins, ces gens qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, seront dans l'enfer, ils vont reconnaître que c'était de l'égarement et que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah était faux. Hein? Même si dans cette vie d'ici-bas, ils refusaient de reconnaître que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah était faux. Ils refusaient de reconnaître que leur adoration pour les statues et pour les idoles, hein, et les chrétiens qui adorent Jésus ou Marie ou les saints de l'Église, ou bien les gens qui adorent les tombes parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent les saints et les morts, hein, ou bien les hindous qui adorent différentes divinités, hein, comme Lingam ou Vishnu ou Shiva ou Rama ou d'autres divinités comme Krishna par exemple ou d'autres encore, hein, ou bien les bouddhistes qui se prosternent devant les statues et devant Bouddha ou des choses de ce genre, eh bien ils vont tous dans l'enfer reconnaître que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala était faux et que ces choses-là ne méritaient pas d'être adorées. Et ils vont dire à ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils seront dans l'enfer avec ces choses qu'ils adoraient, ils vont dire, par Allah, nous jurons que nous étions dans un égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. C'est-à-dire lorsque, hein, nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. Et le cheikh, il dit, et c'est bien sûr, c'est bien connu, hein, ça c'est le verset 97-98 dans Surat Ash-Shu'ara. Le cheikh, il dit, c'est bien sûr que, on sait très bien que les mouchrikouns, quand ils prenaient ces idoles et quand ils prenaient ces êtres, ces créatures, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne les ont pas considérés comme étant égaux dans leurs êtres avec Allah. Ils ne croyaient pas que ces créatures-là étaient comme Allah. Hein? Ils savaient très bien que ces statues n'ont rien créé dans l'univers et qu'ils n'ont pas de pouvoir comme Allah. Ils savaient très bien qu'ils ne possédaient pas les caractéristiques que Allah possède. Et ils ne disaient pas que ce sont les idoles qui ont créé les cieux et la terre, ou que ce sont ces idoles qui font vivre et qui font mourir. Mais ils les ont uniquement mis à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour qu'ils ont pour ces créatures, et dans le respect qu'ils ont pour ces créatures, et dans l'adoration qu'ils offrent à ces créatures. Comme tu vois, hein, que cela se fait de la part de ceux qui aujourd'hui se disent musulmans ou prétendent appartenir à l'islam et qui adorent des morts et des tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui mettent leur confiance en des objets ou en des créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a mentionné les versets plusieurs fois, hein, au sujet du fait que les mushrikoun de Quraysh, ils croyaient que Allah existe. Ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître, le seul créateur, le seul à pouvoir donner le risque, le seul à faire vivre et faire mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, dans plusieurs versets. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu demandes aux mushrikoun de Quraysh qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire qui? Ils vont dire Lat wal Uzza wa Manat? Non. Si tu leur demandes à ces mushrikoun de Quraysh qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors pourquoi Allah les déclare mushrikoun? Pourquoi Allah les déclare kuffar? Puisqu'ils reconnaissent que c'est Allah le Créateur. Parce que ce n'est pas suffisant de seulement reconnaître que Allah est le Maître et le Créateur. Il faut également reconnaître que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que c'est à lui seul qu'on doit offrir notre adoration. Sinon, le fait de reconnaître que Allah est le seul Maître et le seul Créateur ne signifie rien. Et n'a aucune valeur et ne profitera pas à la personne qui l'a fait au jour de la résurrection. Comme on l'a expliqué hier dans le cours, que la personne qui dit la ilaha illallah, qui se limite à dire la ilaha illallah, et qui croit que ça veut dire il n'y a de créateur que Allah, et que c'est Allah le seul créateur, s'il croit que c'est ça que ça signifie la ilaha illallah, il n'a rien compris de la signification de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça ne veut pas dire La khaliqa illallah, wa la raziqa illallah, wa la mudabbira illallah, wa la muhyi wa la mumit illallah, wa la darra wa la nafi'a illallah. Ça, ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah, c'est La ma'bouda bihaqqin illallah. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque si tu dis la ilaha illallah, puis que tu vas te prosterner à la tombe, que tu vas invoquer le mort, tu lui demandes de te donner la guérison ou de te sauver d'un malheur, tu seras un mushrik, même si tu dis la ilaha illallah. Et c'est ça de comprendre le tawhid, c'est de comprendre ça. Le shaykh il dit wa min al-ajab annahum yansibuna ahl al-tawhid ila al-tanaqqus bil mashayikh wal awliya wal salihin wa ma dhanbuhum إلا أن قالوا أنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. Donc le cheikh il dit, et ça c'est important de le comprendre en même temps, qu'il y a des gens comme on a expliqué qui pensent que le tawhid c'est de dire qu'il n'y a de créateur que Allah. Donc ils ont, étant donné qu'ils ont une mauvaise compréhension du tawhid, eh bien, par conséquent, ils ont également une mauvaise compréhension du shirk. Et ils s'imaginent que le shirk, c'est de croire qu'il y a un créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement. Et ce n'est pas ça seulement le shirk. Puisque quelqu'un peut croire que Allah c'est le seul créateur et que personne ne peut nuire ou profiter excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien en dehors d'Allah ne peut nuire ou profiter, sauf que ils vont à des tombes et ils cherchent quelque chose et ils demandent quelque chose aux morts. Et ils disent, moi je sais que ce mort il peut rien faire pour moi et il ne peut faire rien faire contre moi. Sauf que je lui demande pour qu'il soit un intercesseur pour moi auprès d'Allah. Hein? Et c'est ça la base du shirk des mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et ils prennent, hein, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires entre nous et Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il ignore dans les cieux et sur la terre? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'il soit exalté et purifié de ce qu'il lui associe. Donc le cheikh il dit, et ce qui est étonnant, ah vous allez faire l'adhan? Ok, barakallahu fik. Le cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah, il continue, il dit, qu'est-ce qui est étonnant? Ce qui est étonnant de la part de ces gens-là qui aujourd'hui malheureusement sont tombés dans le shirk de l'adoration des tombes et des morts et des awliya et des mashaykh et des salihin, ils accusent les gens du tawhid et les gens qui appellent au tawhid d'avoir un manque de respect envers les hommes pieux. Et ils s'imaginent que si on ne fait pas le shirk en les prenant comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on leur a manqué de respect. Et donc le cheikh il dit, quel est leur péché? Quel est leur péché? C'est-à-dire, quel est le péché des gens qui appellent au tawhid, excepté d'avoir dit que ce ne sont que des esclaves, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne détiennent de pouvoir ni pour eux-mêmes ni pour les autres, et qui ne peuvent ni nuire ni profiter, et ni donner la vie, ni donner la mort, et ni rassembler ou faire revivre après la mort. Et qu'ils ne peuvent intercéder pour ceux qui les adorent. Ils ne pourront jamais intercéder pour ceux qui les adorent, puisque Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux mushrikines qu'on intercède en leur faveur. Donc ceux qui les adorent ne pourront pas profiter d'aucune intercession de leur part. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, hein, comme on a dit, que ces gens-là puissent profiter de l'intercession, car ils ne pourront intercéder que pour les gens du tawhid. L'intercession des hommes pieux et des prophètes au jour de la résurrection, elle est uniquement pour les gens du tawhid seulement. Les gens du shirk n'auront pas le droit à aucune forme d'intercession, hein, de la part des hommes pieux et des prophètes. Et même si les gens du tawhid ont droit à l'intercession des prophètes et des hommes pieux, ils auront uniquement droit à cette intercession-là après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, donc, le cheikh, il dit, eux, ils ne détiennent rien. C'est-à-dire, ces hommes pieux et ces saints-là ne détiennent rien de la question ou de la chose. C'est Allah seul qui détient toute l'affaire. Donc, l'intercession, elle appartient uniquement et entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui seul qui a le contrôle et le pouvoir sur l'intercession, et il la donne à qui il veut. Et la créature, hein, ne peut rien faire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces choses-là. Il ne peut pas être un allié ni un intercesseur excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين أَإِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَا ظَنُّكُمْ بِهِ أَنْ يُعَامِلَكُمْ وَيُجَازِيكُمْ بِهِ وَقَدْ عَبَدْتُمْ مَعَهُ غَيْرَهُ وجعلتم له ندا فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظنكم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. Le Cheikh il dit, donc le shirk et le ta'atil, le shirk c'est le fait d'associer avec Allah dans l'adoration, et le ta'atil c'est la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut, c'est comme qu'est-ce qu'on appelle l'athéisme aujourd'hui. Le fait de nier yani, que Allah subhanahu wa ta'ala existe ou qu'il soit le créateur ou de nier ses attributs, par exemple. Donc ces deux choses-là, le shirk et le ta'atil, sont basées sur les mauvaises pensées que des gens ont sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que Ibrahim alayhi salam, l'imam des hunafa, l'imam des gens qui ont établi le tawhid d'Allah et qui se sont écartés du shirk, il disait à ses opposants parmi les mushrikines, est-ce que vous avez inventé des divinités mensongères en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ça que vous voulez? Alors qu'avez-vous pensé du Seigneur des mondes? Que pensez-vous du Seigneur des mondes? Et le Cheikh il dit, c'est comme si la signification ici était, que pensez-vous que Allah, il dit, même si la signification de ça ici c'est plutôt, que pensez-vous recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme yani rétribution, alors que vous avez adoré d'autres avec lui ou d'autres en dehors de lui et que vous lui avez attribué ou donné des égaux dans l'adoration. Et en arrière de cette menace on retrouve en même temps, que pensez-vous? Qu'avez-vous comme mauvaise pensée pour votre Seigneur pour être allé jusqu'à adorer d'autres que lui avec lui? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, et demain on va terminer donc ensemble cette risale du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et on va conclure donc inshallah ce livre bi'ibnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.